Pourquoi y a-t-il eu des iconoclastes? Il y a un terme un peu technique en apparence, d'origine grecque, mais qui est resté dans la culture de tout le monde comme le signe d'un enjeu politique majeur et peut-être métaphysique, peut-être aussi théologique. Autour de la question des images, c'est ce terme des iconoclastes. On appelle iconoclastes ceux qui veulent détruire les images. C'est le sens de l'étymologie, les icônes étant les images ici, et le fait de les détruire s'opposant au fait de les adorer. Mais à l'opposé des iconoclastes, les iconodules qui s'y opposaient dans la Byzance chrétienne du début du christianisme, les iconodules, eux, ont laissé une trace beaucoup plus faible dans la mémoire. Il y avait pourtant, dans la querelle dite des iconoclastes, deux pôles fondamentalement opposés, encore présents probablement dans toutes les cultures et toutes les religions du monde. D'un côté, ceux qui adoraient les images, les icônes, et encore aujourd'hui, dans beaucoup de cultures religieuses, il y a dans l'image l'idée d'une présence réelle, pas d'une représentation, mais d'une action effective de l'être qui est dans l'image, au point qu'on peut embrasser des icônes dans certaines religions. Et à l'inverse, l'iconoclasme consiste à critiquer cette adoration des images au nom d'une inadéquation de l'image à l'être qui est censé y être présent ou représenté. On y voit de nouveau le pouvoir des images, mais il faut y voir aussi un indice sur la nature même de l'image, le problème qu'elle pose. Les iconoclastes ont aussi une position théorique, semblable à la critique de l'imagination dans beaucoup de philosophies occidentales. Ils disent que Dieu, la conception de Dieu, la vérité de Dieu, est bien au-delà de toute représentation sensible possible. C'est de la même manière que Descartes critiquait l'imagination en mathématiques. Il disait, nous pouvons imaginer une figure à 5, 6, 8, 10, 12 côtés, mais une figure à 1000 côtés, ce qu'il appelait le kyliogone. Une figure à 1000 côtés, on peut la concevoir. On peut en fournir l'équation, mais on ne peut pas l'imaginer. L'inimaginable est aussi le signe du concept, le signe de la pensée, le signe d'une vérité que l'image viendrait toujours trahir, de même que le cercle tracé dans le sable ne sera jamais aussi adéquat que la définition du cercle, l'ensemble des points à équidistance d'un autre point qui est le centre. Ainsi, les iconoclastes ne sont pas seulement dans une guerre théologique politique, mais aussi une guerre théorique. Peut-on représenter le divin? Peut-on représenter Dieu? C'est une question profonde et la querelle des images est toujours dans cet entre-deux, entre la vérité au-delà des images peut-être et les affects en deçà des images dans une sorte de débat théorique. Mais il ne faut pas oublier que derrière ce débat théorique, la violence du débat iconoclaste, dans la Byzance où il est né, comme dans la religion et la politique d'aujourd'hui, entre ceux qui détruisent les images et ceux qui, au contraire, en produisent infiniment et sans relâche, cette violence des images nous rappelle que la pureté n'est jamais seulement théorique. La querelle de la pureté n'est jamais seulement dans le contenu de l'image, mais dans le rapport humain à l'image. Ceux qui veulent être parfois les plus purs ou ceux qui sont obsédés par les images, en tout cas que la querelle théorique sur l'image ne devienne pas une guerre entre les humains autour des images, que l'iconoclaste contre l'iconodule se mettent d'accord sur la manière de s'accorder justement autour des images.